Louis XI ne voulait pas mourir. Frappé d'attaque d'apoplexie, il avait fait venir de Calabre le saint ermite François de Paule, espérant que celui-ci pourrait le guérir. Cependant, le mal s'aggrave, et tandis que Louis XI voudrait à tout prix garder des illusions, voici que son entourage a décidé de l'avertir de son état, afin que de tout point, il pensât en sa conscience et qu'il laissât toutes autres pensées.